condamné ce soir à faire cette soupe, soupe des espoirs. Donne pas ta langue, le chat la mangera, puisque c'est comme ça. La soupe sera au petit pois, merde, j'aime pas ça. Te laissera rien, vilain, vilain, Chaviro.